cœur de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Pour une nouvelle émission d'Autour de vous, je suis accompagnée par la chorale Arc-en-Ciel. Bonjour tout le monde, comment ça va? Bonjour. Ça va bien. Ça va tout bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques rôles à nos auditeurs? Donc je suis Francis et je suis président de cette chorale. Et je suis à la chorale depuis une quinzaine d'années et président depuis 6 ans peut-être. Bonjour, je m'appelle Jackie, je suis à la chorale Arc-en-Ciel depuis 1996 et membre du conseil d'administration. Bonjour, je suis Anne, à la chorale depuis 1989. Bonjour, je suis Denis, je suis trésorier depuis 6 ans environ et je suis à la chorale depuis 1975. Ah oui, qu'est-ce qui vous a donné envie à tous les quatre de rejoindre l'association? Ben moi, c'est Denis qui m'a donné envie de rejoindre l'association. Il m'avait invité pour voir une des prestations qui était à l'époque pour la fête de la musique. Ça m'a donné très envie parce que j'avais trouvé le concept très original et depuis, ben, j'ai jamais quitté. Je parle de la chorale, pas de Denis. Moi, j'ai assisté à une représentation comme celle qu'on a fait le week-end dernier et qu'on va encore faire le week-end prochain. Et bah, j'ai trouvé ça super parce que j'aime chanter, j'aime danser et j'appartenais à une chorale qui ne bougeait pas, donc j'ai pu se trouver mon compte là. Ouais, moi, je rejoins un petit peu les autres. C'est vrai qu'en voyant le concert, ça donne envie parce que outre le fait de chanter, danser, je pense qu'il y a une joie de chanter sur scène qui se partage avec le public et je pense que ça donne envie. Il faut de la cohésion dans la chorale pour que ça marche avec le public pour le coup. S'il y a une bonne cohésion dans la chorale, ça peut... Ah oui, je pense que c'est le propre de notre chorale que d'être vivante sur scène. Vous avez fait combien de représentations déjà, là? Ben là, on a fait deux centres culturels. Les deux représentations étaient complètes. Et on va en faire deux le week-end prochain. Et comme on a encore plein de demandes, peut-être qu'on envisage de faire un cinquième concert dans une salle proche de Remiremont. Alors pourquoi ce nom, la chorale Arc-en-Ciel? Qu'est-ce que c'est? Alors au départ, la chorale, ça s'appelait l'Écho des Vallées. C'était une chorale paroissiale qui est née à Saint-Amé en 1963. Et à partir des années 80, donc je crois vers 1985, à l'époque c'était Claude Schott qui a pris la chorale en main. Et on a commencé à faire des chorégraphies, on a commencé à bouger. On a appris les chants par cœur et on avait des chorégraphies sur les chants. Et depuis là, ça n'a pas arrêté. Et on a fêté les 20 ans de la chorale en 2006 au Palais des Congrès à Remiremont. On a fait un seul concert, on était 1200, donc c'était super. Et ça c'est, ceux qui se souviennent, je pense pas que ça s'est fait ailleurs que là. On avait organisé, il y avait 25 bénévoles, on avait acheté des grands gâteaux pâtissiers et chaque spectateur a eu son petit morceau de gâteau et son petit verre de crémant pour fêter les 20 ans de la chorale. Ça devait être bien festif, ah ouais, ça devait être sympa. On avait 25, il y avait à peu près 50 personnes par table, et puis ça s'est fait en un quart d'heure de temps, c'était fait. Et puis depuis, donc, on n'a pas changé le système, on apprend toujours les chants par cœur. C'est souvent orienté sur de la chanson française, principalement, quelquefois des chants en anglais, mais c'est plus rare. Et voilà, ça va des années 80, 70 jusque maintenant, les chansons contemporaines. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mène la chorale? Oui, bien sûr, on a un chef de chœur qui s'appelle Emmanuel Paris, qui est avec nous depuis 6 ans, qui a remplacé Mad Schott, qui nous accompagnait depuis très très longtemps, je sais pas, depuis 96. Et quand elle a décidé d'arrêter, donc c'est Emmanuel Paris qui a pris la suite dans le même esprit, c'est-à-dire que on continue toujours à prendre des chansons par cœur et à bouger sur scène. Je complète la réponse de Denis parce qu'il n'a pas expliqué pourquoi on s'appelle Arc-en-Ciel. Donc après le nom L'Écho des Vallées, ça correspondait plus vraiment à ce qu'on faisait. Donc on s'est appelé Arc-en-Ciel dans les années 85, voilà je pense. Voilà, c'était à l'époque où Mad Schott était notre chef de chœur. Dora l'Arc-en-Ciel, le nom ça fait tout de suite plus festif. Puis Arc-en-Ciel parce qu'on avait des costumes, on avait des costumes de le colorés, oui. Colorés, ouais. Très colorés. Elle se trouve où l'association? À Saint-Amé. Combien de bénévoles et d'adhérents vous avez? En fait, nous, on est 70 choristes. Et puis bon, les bénévoles, ils n'adhèrent pas à l'association, mais il y a 70 choristes qui représentent la totalité de l'association, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre l'association? Il y a pas de souci. À la limite, il faut soit on fait des répétitions tous les lundis soirs à Saint-Amé, à la salle paroissiale, pardon. Et donc à la limite, c'est possible de venir nous voir au moins une fois pour découvrir ne serait-ce que l'ambiance qu'il peut y avoir lors des répétitions. Sinon, on peut me contacter, donc Francis, et puis je peux peut-être donner mon numéro de téléphone. Alors le 06 33 02 18 91. Alors c'est vrai que voilà, on apprend, hein, je veux dire, on n'est pas obligé de chanter parfaitement, ça s'apprend, mais donc voilà, là, après on progresse dans la chorale. Et je souhaiterais préciser qu'on n'a pas besoin de lire la musique. Comment ça? Eh ben moi je ne sais pas lire une partition, enfin, mais pas vraiment. J'apprends à l'oreille. C'est vrai que les partitions, la seule note que je sais dessiner, c'est la clé de sol. La plupart des choristes sont dans le même cas, mais comme on répète justement en répétant la phrase musicale que le chef nous propose, on travaille beaucoup à l'oreille et on travaille beaucoup à la maison sur les bandes sons que le chef nous envoie. Mais le fait de chanter ensemble, ça aide aussi peut-être énormément. Alors nous allons faire une première pause musicale avant de continuer de parler de l'association. Donc à tout de suite sur Radio Gémozo. Le jour d'avant, je passe au clair de mes nuits à repenser la vie, à passer en revue une dernière fois mon aujourd'hui. Alors je me dis, c'est peut-être que je vieillis, je veux pas laisser passer. Sur les ondes de RGM avec la chorale Arc-en-Ciel. Alors, à quel genre d'événement est-ce que vous avez déjà participé ? À la fête de la musique, par exemple. Pour l'année dernière, c'était, hein. Oui. Oui, oui. Non, mais là, on est en plein boom, je dirais. On est dans notre partie concert. Donc, on vient le week-end dernier, de faire, samedi et dimanche. Donc, hein, ce sont des concerts qui durent à peu près 2h30 sur scène. Et puis là, le week-end prochain, on rattaque ça de nouveau pour deux séances, samedi, dimanche. Donc, j'allais vous dire de venir nous voir, mais c'est plus possible parce que les salles sont pleines. Donc, on est complet. Mmh. Donc on aura eu environ 1300 spectateurs sur les deux week-ends. Ah oui. Ah oui, quand même. Super. Ouais, c'est super pour nous parce que c'est toujours beaucoup plus agréable de chanter devant un public et puis voilà, c'est super, ouais. Il y en a qui tapent dans leurs mains aussi. Oui, bien sûr. Et ça c'est très dangereux parce que ils tapent pas dans le rythme et ça nous perturbe beaucoup. Sinon on est quelquefois invité par d'autres chorales. On a chanté sur Neuchâtel, on a chanté à Saint-Dié, on a chanté à Gérardmer, à Golbey, à la Rotonde, on a chanté à l'Arsenal à Metz, c'était super. Mm-hmm. À l'Arsenal à Metz. Voilà, donc on bouge. Pour l'instant, on se contente, après on ira plus loin. Alors vous m'aviez dit hors antenne que vous recherchiez du monde. Ben oui, on cherche pas. C'est-à-dire que la composition de la chorale, c'est 50 filles à peu près pour les concerts là, pour une quinzaine de garçons quoi. Donc c'est vrai que les garçons, ils sont les bienvenus. Nous entre garçons, on sait les accueillir, donc il y a aucun souci. Et puis ben non, de toute façon après ces concerts là, on fera une petite pause parce que pour reposer la voix, mais on va commencer un petit peu le recrutement, donc ceux qui le désirent pourront toujours nous contacter et puis venir, hein. On peut essayer voir et puis abandonner, mais généralement quand on y vient, on y reste quoi. On va reprendre sans doute courant février. Le mieux si les personnes ont envie de nous rejoindre, c'est de contacter Francis qui donnera la date exacte. Et c'est vraiment le moment où il faut venir parce qu'on va recommencer un nouveau répertoire, recommencer de nouvelles chansons. Donc finalement, on en sera tous et toutes au même point. Parce que prendre en cours d'année, c'est un peu compliqué. Ça fait beaucoup de choses à rattraper. Sinon, c'est le chef de chœur Emmanuel Paris qui propose les chants à la chorale, qui propose les chorégraphies, qui est aidé par Florence aussi, qui l'aide pour les chorégraphies. Et c'est lui le lundi matin, s'il y a des personnes qui sont intéressées, c'est lui par rapport à la tessiture de voix qui va décider si la dame sera soprane ou alti, et les hommes s'ils seront ténor ou basse. Pas le lundi matin, le lundi soir, juste avant la répétition. Alors justement, vous parlez de différents types de chanteurs, est-ce que vous pouvez nous en parler? Je sais qu'il y a les sopranos, les baritons, c'est ça? Non, c'est alors, plus pour le classique. Dans notre chorale, on a les sopranes. Qui sont les filles qui chantent le plus haut. Quelquefois, elles sont divisées en deux, soprane haute et soprane basse. Il y a les altis, pareil, qui chantent beaucoup plus bas, dont je suis, vous devez entendre à ma voix, altis basse et altis haute. Et les ténors, qui sont des hommes qui chantent assez haut, et les basses qui arrivent à descendre assez bas. Et quelquefois, donc, ça donne des chants à 6 voix, et la plupart du temps à 4 voix. Et du coup, je pense que vous n'êtes pas côte à côte, en fonction de votre voix. Si, dans les répétitions, on est ensemble, par pupitre. Après, dans les chorégraphies, on est souvent mélangés ou très proches. Et donc là, il faut vraiment bien savoir sa voix pour ne pas se laisser emporter. Mmh. Quel est le profil des membres de la chorale, la tranche d'âge à peu près? Entre 40 et 65 ans à peu près. Mmh. Voilà. Sinon, le profil, c'est monsieur et madame tout le monde qui a envie de chanter et qui aime le répertoire de la musique, de la chanson française et qui a envie de partager. Est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes? Il y a plus de femmes. Et ça, je crois que c'est assez général dans toutes les chorales. Mmh. Mais j'en connais pas vraiment la raison. Justement, bon, on parlait de recrutement des hommes. C'est vrai, c'est le point un petit peu faible, mais recrutement de femmes aussi. C'est quoi un directeur artistique? Un directeur artistique, c'est une personne qui, en tout cas dans nos chorales, qui s'occupe non seulement d'être le chef de chœur, c'est-à-dire qu'il choisit les chants, il nous les fait répéter, donc il est musicien. Mmh. Et c'est quelqu'un, il s'occupe aussi de tout ce qui est décor, support vidéo, les costumes, en tout cas l'idée des costumes. C'est un travail vraiment général autour de la mise en scène. Et ça vous a demandé pas mal d'énergie pour faire tout ça. C'est aussi le propre des gens qui ont envie de venir nous rejoindre. Il faut beaucoup d'énergie. La représentation dont vous êtes la plus fière et pourquoi ? Le ou la plus fière ? Est-ce que vous avez une représentation que, dont vous êtes le plus fière par rapport à une autre ? Bah, c'est toujours celle qui est en cours, je crois. J'allais dire, moi, c'est la dernière, la dimanche. C'est la première, mais non, c'est le reste, donc. Je pense qu'il y a aussi le fait que, avec le Covid, on a dû arrêter à longtemps. On s'était pas produit depuis 2019, si je me trompe pas. Et donc, ça représentait vraiment un enjeu pour nous, au niveau des répétitions, de se motiver. Et donc, dimanche, je pense qu'on a fait un spectacle pas mal, disons, malgré des petites erreurs, mais c'est pas grave, toujours avec le sourire. On est toujours perfectible, donc voilà. Est-ce que vous auriez quelques petites anecdotes à nous raconter ? Oh, yeah. Moi, j'en ai une. Ouais. Moi, j'en ai une à l'Arsenal à Metz, justement, là où il ne fallait pas faire de faute. On chantait le chant Nathalie de Jacques Brel. C'est qui? Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud. Et à la fin, donc, il fallait qu'on termine la chanson, les bras le long du corps. Et moi, le seul, j'ai mis les bras en haut. Donc, j'ai resté là pour, en attendant que le chant soit fini, pour faire croire que c'était normal. Donc, j'avais l'air bête. Pour des anecdotes comme ça, je crois qu'il y en a à chaque concert. C'est vraiment difficile de ne pas faire une seule erreur tout au long d'un concert. Quelquefois, c'est très discret. Et quelquefois, effectivement, si on met les bras en l'air alors qu'il faut les avoir le long du corps, c'est très visible. Et ça peut créer des petits fous rires. Ça apporte une petite dynamique au spectacle aussi. Est-ce que vous avez un rituel avant de vous produire sur scène ? Oui, on en a un petit, c'est que on boit un petit coup de vin blanc, ça éclaircit la voix et ça libère les esprits. Non, mais on se motive aussi, évidemment. On est une équipe avant tout, c'est une chorale, mais c'est une équipe. Et je veux dire, l'équipe, elle avance quand elle est soudée. Donc, on essaye tous de se motiver les uns les autres, derrière le rideau notamment, et puis voilà. Puis apparemment ça fonctionne, parce que je pense qu'on fait on partage quand même un moment à 60-70 personnes là, qui est super, vraiment c'est génial quoi. Est-ce qu'il y a un membre qui est là pour remonter le moral des troupes quand il y en a un qui a le trac ou etc.? Moi je pense que c'est un peu à tour de rôle, là c'est sûr que on a été assez bienveillant vis-à-vis des nouvelles personnes qui ont intégré la chorale cette année et qui étaient mortes de trouille. Elles sont pas mortes quand même hein. Bon, pas vraiment, on les a ranimées. Puis ce qu'il y a, c'est que dans nos chorales, tout le monde s'entend bien et je pense que le public il le voit à travers nos sourires, à travers il voit que ça passe bien, que c'est du partage. Et vous, est-ce que vous avez le trac avant de monter sur scène ou pas ? Moi non. Toujours un petit peu, et c'est ça qui est agréable aussi de se dire qu'on le trac, ça permet de se dire qu'on va réussir quelque chose de bien, et voilà, pour moi c'est ça. Moi pas vraiment, je suis très excitée la veille au soir, et puis non, une fois que je suis là-bas, ça va tout bien. Ouais, je pense que ça aide. On peut pas parler de trac, mais de pression un petit peu. Et je pense que ça aide à bien démarrer le spectacle. Et une fois qu'on est parti, je pense que ça, plus personne n'a la pression, quoi. Enfin, ça roule, quoi. Et on trouve toujours que le concert est très rapide, quoi, alors que ça dure 2h30, quoi. C'est une petite poussée d'adrénaline, ça fait du bien, alors. Ah oui, sans aucun doute. Oui. Je voulais partager avec vous cette citation de Miguel de Cervantes qui disait « Celui qui chante fait prendre la fuite à ses mots ». Qu'est-ce que vous pensez de ça, tous les quatre ? Ouais, je pense que c'est assez vrai, parce que dès qu'on est sur scène et qu'on se concentre sur ce qu'on va dire, chanter et puis bouger évidemment, bah, on oublie absolument tout le reste. Alors si on a un petit peu mal au dos ou je ne sais où, c'est disparu, ça revient après. Et même tout au long de l'année, quand on fait les répétitions hebdomadaires, il y a beaucoup de personnes qui nous disent « Moi, j'aime bien venir à la chorale parce qu'en dehors d'être avec les personnes qu'on connaît, qu'on a l'habitude de fréquenter, quand on chante, on pense plus à rien, nos soucis quotidiens, les soucis du professionnel et tout. Et ça me fait du bien, c'est pour ça que je viens à la chorale. » C'est une sorte d'exutoire finalement. Oui, voilà. Alors j'ai trouvé une autre citation d'Emmanuel Kant cette fois-ci qui dit « La musique est la langue des émotions ». Ben, c'est une évidence et j'ai envie de dire, particulièrement dans le concert qu'on est en train de vivre en ce moment, il y a beaucoup de chansons qui transmettent des émotions et le public le ressent et nous en fait part à la sortie du concert. Ah ben je partage tout à fait l'avis de Anne, parce que c'est vrai que y a rien à faire, il y a des chansons qui passent et qui et même pour nous, je veux dire, on le sent en le chantant, hein. c'est vraiment impressionnant. Quelle est la chanson que vous pouvez écouter le plus tous les quatre de notre répertoire ou peu non, importe. Pas. Moi j'écoute un peu de tout, donc entre le rap et le classique, donc c'est difficile de vous donner une musique. Oui, moi c'est pareil, j'écoute un peu de tout. Bon, c'est vrai que j'écoute souvent les chansons qu'on est en train d'apprendre. Mmh. Donc il reste plus beaucoup de temps, mais j'aime beaucoup Barbara, mais aussi bien soprano. Moi j'écoute beaucoup de chansons françaises, mais je mettrais une petite option sur la chanson qu'on va écouter tout à l'heure, qui sont Les mots de Renaud, et que j'ai découvert à la chorale, que je connaissais pas. Oui, moi également, j'aime bien toutes sortes de chansons. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous bouleverse particulièrement, que ça soit dans votre répertoire ou pas? Une chanson qui vous touche? On en a plusieurs, je pense, sur notre répertoire actuel, vous voulez dire, hein, celui de nos mm-hmm. concerts, là. Oui, je pense qu'on en a, quelques-unes, on en a peut-être une, hein, en fin de concert qui nous aime peut-être plus que les autres, parce qu'elle fait référence à quelqu'un qui nous a quittés, voilà. Qui était choriste. Alors, nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec Amir et Renaud et on se retrouvera juste après sur le 107. C'est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau. Mais quand ça vous colle à la peau, putain, qu'est-ce que ça vous tient chaud. Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les maux, ça vous libère de tous les maux. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Poème, chanson, brûlot vous ouvre des mondes plus beaux, des horizons toujours nouveaux qui vous éloignent des troupeaux. Il suffit de quelques mots pour toucher le cœur des marmots, pour apaiser les longs sanglots quand votre vie part à volo, quand votre vie part à volo. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisse. Les poèmes d'un Léoto, ceux d'un Brassens, d'un Nougaro, la plume d'un Victor Hugo éclaire ma vie comme un flambeau. Alors gloire à ces héros qui par la magie d'un stylo et parce qu'ils font vivre les mots emmènent mon esprit vers le haut, emmènent mon esprit vers le haut. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, non, non, je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, non, non, ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai prié tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Bien que c'est toi, on dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission. Et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, Orange Radio et Radio Line ou via l'application mobile Les Radios Associatives. Est-ce que vous pouvez nous parler du concert qui s'est déroulé le week-end dernier ? Ah oui, oui, bien sûr. Enfin, je peux vous pas tout vous dévoiler parce que ce week-end, il y a encore on fait des prestations, donc c'est difficile de vous parler exactement du programme. Mais bon, nous avons fait deux concerts au Centre culturel de Miremont, que des spectateurs en nombre, puisque là on en est à plus de 600 personnes sur les deux concerts. Et puis ben les deux autres concerts, voilà, c'est, ben, je l'ai déjà dit tout à l'heure je crois, mais c'est complet, donc malheureusement on peut pas inviter d'autres spectateurs. Et ça se passe où? Alors ça se passe au Centre culturel à Remiremont. C'est une salle confortable pour les spectateurs et pour nous. La scène est suffisamment grande et il y a des loges, oui. Mmh. Parce qu'on change 5 fois de costume. Donc il nous faut des loges suffisamment spacieuses pour loger les 65 choristes et leurs accessoires et leurs costumes. Mmh. Comment vous choisissez vos costumes justement? Est-ce que vous avez différents tableaux, quelque chose comme ça? Oui, notre directeur artistique Emmanuel Paris travaille par thème. Donc le concert se partage en 4 ou 5 thèmes. Donc sur un thème, il y a 5 ou 6 chansons. Et sur un thème, il y a donc les chansons sur le thème, les costumes sur le thème, les décors, les vidéos, tout un ensemble. Mm-hmm. Et c'est lui qui crée tout ça. D'accord. Est-ce que vous envisagez de faire une version studio pour sortir en CD avec la chorale ou pas ? On l'a déjà fait, on a fait un CD il y a quelques années, mais après, je pense pas que ça ait été évoqué. Non. D'accord. Et du coup, est-ce que l'entrée était payante pour ceux qui vont venir au concert ce week-end et qui sont venus le week-end dernier ? Oui, c'est payant parce que c'est vrai que on parle de décor, de costumes, je veux dire ça a un coût, donc c'est pour ça qu'on fait payer nos entrées. Bon, là c'était pour un adulte c'était 12 euros et un enfant de moins de 12 ans 6 euros. Donc, mais là de toute façon pour le week-end si c'est bouclé, il y a plus de place. Ah, ça fait plaisir, ça, c'est tant de travail pour finalement que ça aboutisse, c'est bien. Ben, c'est sûr que c'est quand même plus génial de chanter devant des spectateurs, même une salle pleine, c'est génial, quoi, parce que là, je vous dis, on aura 1300 spectateurs sur deux week-ends, quoi. Donc, nous, on est encore plus performants comme ça quand il y a du monde, quoi. Il y aurait 10 personnes, je pense qu'on rigolerait certainement plus sur scène, quoi. Ça demande plus d'énergie aussi quand il y a pas mal de monde. Est-ce que vous êtes déjà produit dans des salles où il n'y avait pas beaucoup de monde? Oui, c'est arrivé. À Fraisse-sur-Moselle, on était 13. On était plus de choristes que de spectateurs. Mais c'était il y a très longtemps. D'accord. Bah après, il faut le temps que ça se mette en place, c'est ça aussi. Il faut que ça attire les spectateurs, c'est pas toujours c'était évident. C'était un contexte particulier. Oui. Mais c'est vrai que ça reste une anecdote qu'on n'a pas oubliée. C'était drôle du coup, l'anecdote ? C'était drôle, oui. Qu'on était très détendus. Bon, parce que ce qui se passe souvent, c'est que les gens, quand on leur dit chorale, ils pensent à des gens qui sont figés, qui lisent leur partition. Et c'est l'inverse de tout ça, quoi. Étant donné qu'on chante par cœur, on n'a pas de partition. Donc certes, je reconnais que la qualité vocale peut être un petit peu moins bonne qu'une chorale statique. Mais la contrepartie, c'est la chorégraphie, c'est les danses, c'est les, voilà. Ça doit pas être évident de retenir combien de chansons? 24, vous m'avez dit? Je crois qu'il y en a 26 dans ce concert. Il y a beaucoup de travail personnel et, bon, voilà, ça nous fait travailler notre mémoire. Est-ce que c'est la première fois que vous vous produisez au Centre Gilles Berzog? Non, ça fait plusieurs fois qu'on est là parce que on atteignait un nombre trop important pour se produire à la salle paroissiale de Saint-Amé. Oui, ça fait plus de 15 ans. Vous êtes des habitués alors. Est-ce que vous avez une chorégraphie pour chaque chanson? Non, il y a quelques chants qui sont dirigés par le chef et on est en statique. Des chants qui sont qui apportent plus d'émotion. Sur certains textes, c'est compliqué de faire une chorégraphie. C'est mieux d'écouter les paroles. Comme sur Renaud, par exemple, c'est peut-être un peu compliqué de danser dessus. Voilà. Ça ne s'y prête pas du tout. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux? Donc pour cette émission, on a choisi trois chants qu'on a présentés au dernier spectacle en 2019, dont un qu'on a repris cette année. Et voilà, on a choisi un chant où on était en statique, donc c'était Les mots de Renaud. Et les deux autres, il y a des chorégraphies dessus. Et on reprend cette année la chanson Le Bonheur. Est-ce que c'est le directeur artistique qui choisit le répertoire du concert ou chacun donne son choix? Complètement, c'est le directeur artistique qui s'occupe de ça. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu après ces concerts ou pas? Ah bah oui, juste là on va faire une petite pause après les concerts, mais c'est vrai que début mars on a un autre projet. C'est un week-end chantant qui se déroulera à Saint-Amé les 4 et 5 mars. Donc ça c'est un week-end chantant qui est ouvert à toutes les personnes, quelles que soient les, on n'est pas obligé d'être choriste pour y venir. Ça permet aussi de découvrir le chant choral. Donc là c'est sur le week-end on va apprendre 4 chants et l'apprentissage se fera par la direction de Christelle Servia qui est chef de chœur professionnel et avec son mari au piano Jean-Christophe. Et donc là, ça va nous permettre de... je pense que c'est bien de découvrir ce genre de choses parce que ça permet vraiment de savoir, de voir déjà qu'on peut chanter, quoi. Souvent, les gens disent « Ah, moi, je sais pas chanter. » Et en fait, ça, c'est un bon départ pour le chant choral. Donc là, c'est ouvert. Et bon, tu veux continuer, Minon, je vous donne un petit peu quelques infos. Donc ça se déroule sur le samedi après-midi, là, et le dimanche toute la journée. Donc le dimanche, évidemment, le repas est pris sur place. Et l'ensemble coûte, enfin l'inscription plus exactement coûte 45 euros, le repas compris, partition compris, parce qu'il faut savoir qu'on paye les partitions. Hein, les partitions, quand on parle de chant, on entend du Renaud tout à l'heure. Je veux dire, celle qu'on chante, c'est une harmonisation, donc c'est différent. Donc il y a quand même les partitions, donc ça coûte à peu près, je sais pas, 2 euros des fois par partition, par choriste. Donc voilà. Et puis c'est vrai qu'en fin de week-end, en fin de dimanche, on restitue un petit peu l'ensemble du travail. Ce sera à 17h d'ailleurs pour les personnes qui voudront venir nous voir. Bon, c'est gratuit, hein, ça n'a rien à voir. 16h30. Donc là, on restitue un petit peu le travail que l'on aura fait sur le week-end. J'oublie peut-être des choses, non, je sais pas. Peut-être juste que on ne fera que chanter ce week-end-là. On bouge pas. D'accord. Est-ce que vous auriez quelque chose d'autre à ajouter ? Peut-être parler du recrutement des choristes. Donc, dès qu'on reprend, sûrement courant février, on va accueillir volontiers de nouveaux choristes, hommes et femmes. Ceux qui voudront nous rejoindre peuvent appeler Francis, donc il a donné son numéro de téléphone, et il recontactera les gens pour donner la date exacte qu'on connaît pas encore. Et voilà. Donc ça c'est important, et puis tous ceux qui ne sont pas sûrs de vouloir nous rejoindre sans avoir essayé le chant choral, s'inscrire au stage, c'est toujours très sympathique, et c'est vraiment une façon de se rendre compte qu'on est tous capables de chanter et que ça apporte énormément de bonnes ondes de partager le chant choral. Ça se passe comment le stage du coup ? Donc ça se passe à Saint-Amé, à la salle polyvalente. On apprend 4 chants sous la direction de Christelle Servilla, en 4 voix. Donc, oui, on en sera à peu près entre 150 et 180. Et là, c'est aussi une façon de voir quelle voix on a, parce que si on n'a jamais chanté et qu'on connaît pas sa tessiture, la chef Christelle Servilla va vite nous orienter les personnes dans le bon pupitre. Donc, soprane, alti pour les femmes et basse, ténor pour les hommes. Est-ce que vous avez d'autres projets avec l'association ou pas? On a d'autres projets. Oui, il y aura forcément la fête de la musique, je pense. Et puis, comme on a pas mal de demandes pour ce concert là, il y a beaucoup de gens qui vont pas pouvoir y venir parce que c'est complet, quoi. Donc, on va essayer peut-être de trouver une autre date dans une commune environnante pour essayer de refaire et puis satisfaire un petit peu les spectateurs qui ne peuvent venir nous voir ce week-end. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à tous les quatre? J'allais dire un gros mot, mais pour ce week-end, mais non. Mais je veux dire, c'est génial de. Quand le public est là, et je pense que ça apporte plein de choses. Le chant déjà en lui-même, on vient d'en parler. Mais je veux dire, quand on chante devant une salle pleine, c'est quand même le top, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un plaisir, quoi. Vous pouvez nous souhaiter de pouvoir continuer encore quelques années. Oui. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, on souhaite tous garder notre voix, pas tomber malade. Ah oui. Pour les 2 prochains concerts, on essaye de l'entretenir, de ne pas trop parler, de prendre une cuillère de miel de temps en temps, et puis tout ira bien. Est-ce qu'on peut retrouver la chorale sur Internet ou les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Il y a une page sur Facebook, évidemment. Donc, c'est quoi là? Je cherche. Chorale Arc-en-Ciel Saint-Amé, attaché. Et vous tomberez dessus. D'accord. Depuis plusieurs semaines, ça vit énormément et je pense que ça revivra encore derrière. Enfin, je parle du site, hein. Mais je veux dire, il y aura certainement des images, quelques petites vidéos peut-être. Enfin, il y a Guy qui s'occupe de ça, donc il va faire tout pour. Mais à partir de lundi, parce que pour l'instant on garde un petit peu tout ça secret pour pas dénaturer le concert pour nos prochains spectateurs. Et à partir de lundi, il y aura beaucoup de vidéos, beaucoup de photos du concert. D'accord. Des petits extraits du coup, les meilleurs moments, le best-of comme on dit. Je sais pas si ce sera le best-of, mais on essayera de mettre là où on s'est pas trompé, quoi. Alors, cette émission est maintenant terminée. Merci à tous les 4 d'être venus. Merci. Merci à vous. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir, parce que je crois que c'est pas la première fois que vous veniez dans les studios de Radio Guémozo. Non, non, ça fait, oui, ça fait tout, fois, oui, bonnement, oui, oui, oui, ça fait plusieurs fois, ouais. Jamais 405, comme on dit. Avec plaisir. Bah, moi, je vous souhaite bonheur et prospérité pour cette nouvelle année et pour la chorale. Merci. Merci. Et puis, votre joie est communicative. Donc, merci à vous pour ça. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye, tout le monde.